Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Le continent américain est, dans l'évolution des sociétés, un univers totalement à part, puisque déconnecté de l'ancien monde, et cela jusqu'au XVIe siècle. La Mésoamérique, qui couvre le Mexique, le Guatemala, le Belize, une partie du Salvador et du Honduras, y est une aire culturelle particulièrement importante, aux sociétés très complexes et à la trajectoire historique très originale. Rappelons que c'est là que se développa, par exemple, les sociétés mayas. Ce soir, le magazine de l'archéologie de France Culture se penche sur l'idéologie de ces sociétés, leurs élites, leur prestige, avec Juliette Testard. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Ingénieur de recherche dans le laboratoire archéologie des Amériques du CNRS, vous travaillez sur les représentations figurées, les images produites par ces sociétés précolombiennes, des images qui sont par essence l'expression de leurs croyances et de leur vision du monde, comme de la propre représentation de leur société. Vous venez de publier chez l'Harmattan ce qui était votre thèse sous le titre « La fabrique du prestige en Mésoamérique ». À son arrivée, Cortés signale à Charles Quint la diversité et la richesse des produits. D'ailleurs, les biens de luxe acheminés vers la grande cité de Tenochtitlan étaient gérés par un trésorier de haut rang. Juliette Testard, quels sont ces biens ? Tout d'abord, je pense qu'on peut mentionner les pierres vertes, qui étaient des pierres semi-précieuses, donc très très estimées par les sociétés mésoamericaines depuis très longtemps. Donc, on a la serpentine, qu'on retrouve sur une grande partie de la Mésoamérique, mais on a surtout la jadéite, qui est connue par un seul gisement en Mésoamérique, qui se trouve dans la région du Motagua, au Guatemala. On a aussi des coquillages marins, donc qui proviennent des deux provinces, donc Atlantique d'un côté et Pacifique de l'autre. Et puis, on a les céramiques fines, céramiques orangées, qui peuvent s'apparenter à de la porcelaine, céramiques plumbate, qui ressemble à une céramique qui est un peu iridescente et qui a une tonalité un peu métallique. Donc ce sont des céramiques qui étaient très appréciées. Puis les céramiques polychromes, très richement peintes. Alors donc ça, c'est les biens que l'archéologue retrouve en fouille. Mais évidemment, on sait qu'il y avait d'autres biens de luxe. Donc le cacao, qui était un bien très prestigieux, donc qui pouvait se consommer sous forme de boisson. Uniquement utilisé par les élites, c'est bien ça ? Oui, a priori, sa consommation est l'apanage des élites, hein. On le sait. Le coton, qui est aussi un bien, un textile qui est réservé aux élites. Et d'autres types de textiles qui sont fabriqués à partir d'autres fibres. Donc, on connaît les mantes, les cache-sexes, les capes, les tuniques, évidemment. Les peaux d'animaux tropicaux, qui servaient aussi à faire des vêtements. Les plumes. Les plumes. L'art de la plume. Très évidemment. Belle exposition, ouais. Il y a bien des années, ouais, mais ouais, montrant ouais. La richesse des plumes. Des plumes, les plumes très colorées d'oiseaux tropicaux. Hein. On sait qu'elles ornaient les coiffes des plus hauts dignitaires, des souverains. Et on reparlera des coiffes parce qu'elles sont très importantes. Et également un peu d'or et de cuivre. Ce sont les technologies métalliques, en fait, métallurgiques. Elles arrivent très tardivement en Mésoamérique. Donc c'est bien, ils arrivaient sur le marché de Tlatelolco par du commerce, des échanges ou par des tribus qui étaient périodiques. Et ces biens étaient utilisés aussi bien dans des contextes rituels que politiques par donc les spécialistes rituels, des genres de prêtres ou les souverains. Et ils étaient distribués, donc ils arrivaient sur ce marché, puis ils étaient distribués aux différents artisans qui produisaient ces biens de luxe. Juliette Testard, découvrons la société mésoaméricaine dans toute sa diversité. Celles-ci ont évolué vers de véritables cités-états, des royaumes. Certains ont même parlé d'empire. Oui, alors le terme d'empire, on le connaît surtout pour l'empire aztèque. Maintenant, on sait que c'est un concept qui correspond plus tellement à la réalité de ce qu'on connaît pour ces sociétés-là. Donc les Aztèques, c'est une société qui s'est établie donc entre 1300 et l'arrivée des Espagnols, hein, 1519. À Mexico, et puis autour, bien au-delà de Mexico, hein, jusqu'au Soconusco, jusqu'au Chiapas. En réalité, on sait maintenant que cet empire aztèque, c'est une somme de territoires qui étaient morcelés, pas vraiment unifiés, et qui étaient soumis par la conquête, mais pas seulement, surtout par des liens entre élites, des alliances matrimoniales, et qu'il n'y avait pas tout le temps des colons dans ces territoires, hein, que c'était surtout des alliances entre dignitaires. Alors évidemment, on a parlé de chefferie, et puis dès les Olmèques, hein, à partir de 1500 avant notre ère, on va parler d'États, de royaumes, de ce qu'on appelle les entités pères, hein, entités politiques pères, et puis les cités-États. Et puis un autre concept qui est assez approprié pour la Mésoamérique, c'est le concept de système monde, qui est surtout utilisé pour Teotihuacan. Et Brodel, en Méditerranée. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ce sont des notions qui sont plus appropriées que la notion d'empire, qui correspond plus tellement aux données qu'on a maintenant. Alors revenons aux biens. Les objets rares et exotiques seraient marqués d'un pouvoir cosmique, car la distance est par essence surnaturelle. C'est formidable, ça. Oui, c'est absolument passionnant. En fait, on se rend compte que tous ces biens de luxe et de prestige dont j'ai parlé là au début, en réalité, tous ces objets-là, quand on se place sur les hauts plateaux mexicains, ils viennent tous de zones chaudes et humides. Ces zones chaudes et humides, elles sont associées à la fertilité, à l'abondance et aussi à l'émergence des peuples dans la cosmogonie aztèque. Et on pense que ce sont des notions qui remontent à plusieurs millénaires avant, hein, où en fait l'émergence des peuples se situe à l'est, dans des zones chaudes et humides. Et donc, par exemple, le jade, il est très associé à la fertilité, puisqu'il est associé à la verdure, à ce qui pousse. Les coquillages marins, c'est la même chose. Et toute cette symbolique des objets, elle est très très claire, par exemple, dans les offrandes qu'on retrouve au Templo Mayor de Tenochtitlan, qui est le plus grand temple, hein, de Tenochtitlan. López Luján travaille depuis plus de 30 ans sur ces offrandes. À l'heure actuelle, on en a retrouvé plus de 120. Et donc, ce sont des offrandes qui rassemblent des milliers d'objets qui sont organisés selon des concepts très très précis par direction et par strate. Et ces directions et ces strates, elles répliquent en fait les directions du cosmos, puisqu'il y a quatre directions et un centre, et les strates de l'univers, puisqu'on sait qu'il y a 13 ciels chez les Aztèques et 9 inframondes. Qu'en est-il de la circulation de ces biens? Depuis les Olmèques, entre 1500 et 400 avant notre ère, nous savons que les échanges jouent un rôle capital. Oui, alors les Olmèques, donc, c'est ce qu'on a appelé la culture mère, hein, de la Mésoamérique. Les hypothèses, elles ont un peu évolué depuis les années 1950. Hein, mais en tout cas, on a ce qu'on appelle la zone métropolitaine Olmec, qui se situe au Veracruz. Et par ailleurs, on a toute une série de sociétés à Oaxaca, dans le bassin de Mexico, au Guerrero, jusqu'au Costa Rica, qui vont en fait répliquer tout un tas de traits, de caractéristiques, notamment l'iconographie autour du jaguar, pour s'affilier à ces Olmèques de la côte du Golfe. Alors ces Olmèques de la côte du Golfe, on les a connus, le grand public les a reconnus là très récemment par une exposition au Quai Branly, donc qui montrait leurs caractéristiques les plus saillantes, hein, les têtes colossales qui sont absolument magnifiques. Ce sont des très très grands sculpteurs, les Olmèques, les trônes, les autels. Et toute cette iconographie-là va être répliquée par toute une série de cultures contemporaines qui vont s'affilier par le biais, entre autres, de l'iconographie à ces Olmèques de la côte du Golfe qui servent un peu de focus émulateur, en fait, à cette période préclassique. Et on sait par ailleurs que, en plus de ces échanges iconographiques, ces échanges d'idées, il y a aussi des échanges matériaux sur de très longues distances. En 200 avant notre ère, démarre ce que nous appelons la période classique, avec un site emblématique, Teotihuacan. Ce qui est intéressant dans cette cité, c'est la diversité des populations qui y vivent. On parle alors de cosmopolitisme, ou mieux, de multi-ethnicité. Oui, tout à fait. Donc Teotihuacan, c'est une cité absolument passionnante. Hein. C'est à l'heure actuelle la cité qui est considérée comme la plus grande cité mésoaméricaine. Elle est située à 2250 mètres d'altitude. Sa superficie est calculée autour de 19 km carrés. Et au plus gros de son occupation, on calcule 96 000 habitants. On connaît donc deux pyramides monumentales, hein, la pyramide du Soleil, de la Lune, beaucoup de temples, beaucoup d'ensembles résidentiels, à peu près 2000, des quartiers, l'avenue des morts qui structure hein, tout ce plan orthonormé, et puis évidemment un système hydraulique très complexe, un système d'égout. Alors entre 200 et 450 de notre ère, Teotihuacan va rayonner sur l'ensemble de la Mésoamérique, hein, jusqu'en Amérique centrale. Et dans la cité, on va retrouver effectivement ces quartiers dits d'étrangers. Donc on a le quartier des commerçants, on a le quartier Zapotec, on a même un quartier qui est habité par des gens qui viennent de l'Occident du Mexique. Et puis, donc on a ces quartiers d'étrangers et puis par ailleurs, on a des quartiers d'artisans qui sont des quartiers clairement multiethniques, comme Teopancasco, qui a été fouillé dans la dernière décennie, et La Ventilla, par exemple. Alors comment peut-on se rendre compte de la diversité des populations dans une telle ville et en fouille? Alors donc, tout d'abord, évidemment, les différents types d'objets nous informent des réseaux d'échanges qui sont en place. Hein. On sait que dans ces quartiers, on produit toutes sortes d'objets précieux, des masques, des figurines, d'autres objets qu'on infère à partir des vestiges indirects, comme des fusaïoles, des os animaux. Donc ça nous parle de la production textile, de la production de vannerie qu'on retrouve très très rarement en fouille en Mésoamérique. Et puis, on pratique de plus en plus des analyses d'isotopes, mais ce sont le genre d'analyses qui nous permettent d'avoir des informations sur l'origine de ces populations. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ces populations, elles sont passées par des processus d'acculturation qui sont prégnants. On voit bien qu'il y avait une véritable stratégie de la part de Teotihuacan de placer ces populations étrangères un peu en marge et en même temps de s'assurer l'accès à des ressources exotiques. Oui, justement, ce qui est intéressant, c'est que nombre de cette population travaillait en périphérie dans des quartiers d'artisans produisant des produits et des matériaux exotiques, donc des produits de luxe. Exactement, oui. C'est ça, c'est des produits en matériaux semi-précieux, comme je disais, des figurines et d'autres objets, hein, ces produits textiles comme le coton, etc. Évoquons le fameux temple du serpent à plumes. Plus de 200 individus sacrifiés ont été mis au jour. L'analyse isotopique des ossements montre des individus venus de loin. Oui, tout à fait. Bon, ça, c'est tout à fait passionnant. Hein. Ce sont les résultats des recherches qui ont été menées dans les 20 dernières années. Donc, le temple du serpent à plumes se trouve dans la citadelle. La citadelle, c'est un vaste ensemble de 400 mètres de côté. C'est une place, en fait, qui pouvait accueillir jusqu'à 880 000 personnes. Et ce temple du serpent à plumes, donc c'est un temple qui dispose d'une façade qui alterne des sculptures de serpents à plumes et des sculptures du dieu de l'orage. Ce temple va être détruit au IIIe siècle après Jésus-Christ, probablement lors d'un rituel calendaire. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que 138 individus sacrifiés vont être déposés hein, tout autour, selon une disposition extrêmement codifiée, tout autour des murs de cette citadelle. Et donc, les analyses isotopiques ont montré que c'était à la fois des guerriers locaux et aussi des gens qui avaient beaucoup voyagé, soit qui venaient de loin, soit qui avaient voyagé au moins une fois dans leur vie, à des milliers de kilomètres. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Juliette Testard, la fouille de la pyramide de la Lune donne d'autres éléments. Ainsi y figurent des élites et leurs propres objets de prestige. Alors exactement, alors la pyramide de la Lune, c'est celle qui se trouve à l'extrémité de l'avenue des Morts. Alors elle fait 46 mètres de hauteur, 104 mètres de largeur, donc c'est absolument gigantesque. Et dans cette pyramide, on a retrouvé tout un tas de dépôts de fondations, puisqu'on sait qu'en Mésoamérique, on ne détruit pas les pyramides pour les agrandir, on construit par-dessus selon le système de poupées russes. Et donc à chaque phase d'agrandissement, on a un dépôt de fondation. Et c'est dans ces dépôts de fondation qu'on a effectivement retrouvé à la fois des captifs de guerre, dont certains étaient étrangers, venaient de très très loin, Guatemala, Maya, Occident du Mexique. On pensait même à peut-être des ambassadeurs, oui. Des élites. Exactement. Et on a donc, par ailleurs, donc on a ces captifs de guerre, mais aussi des gens de l'élite. On a, par exemple, un personnage qui a été enterré avec ses serviteurs et qui est assis en tailleur, qui est une position très caractéristique du souverain. Et du souverain en position de prestige, en position de pouvoir. Et ils sont souvent enterrés avec des animaux très dangereux. Voilà. Alors, dans ces offrandes, dans ces dépôts de fondation, on se retrouve avec les mêmes principes décrits tout à l'heure du Templo Mayor de Tenochtitlan, hein, principe très codifié de réplique du cosmos. Et on a aussi des animaux. On a retrouvé des jaguars, par exemple, qui étaient enterrés vivants dans des cages. On a retrouvé les vestiges, les empreintes des cages. Donc on sait qu'ils étaient enterrés vivants. Il y avait d'autres types, il y avait des rapaces, hein, des très grands rapaces. Et puis là, récemment, dans une fouille très récente, à proximité de cette pyramide de la Lune, la Plaza de las Columnas, on a retrouvé un singe araignée, le singe araignée qui est très caractéristique des terres très chaudes, hein. Donc Yucatan, Chiapas, etc. Teotihuacan ne serait-ce pas avant tout une sorte de système bond basé sur les biens et les deux prestiges, bien sûr, et sur le contrôle des ressources? Oui, tout à fait. Donc le concept de système monde, hein, qui est un concept économique qui est mis en place dans les années 70, en fait, il s'applique très très bien à la Mésoamérique et il s'applique très bien à Teotihuacan. Hein. En Mésoamérique, on a beaucoup insisté en réalité sur la multilatéralité et l'interdépendance entre ces systèmes, hein, qui composent les systèmes monde. Et pour Teotihuacan, on sait que cette place qui est tellement centrale, hein, en fait, elle résulte de la présence synchrone de traits affiliés à Teotihuacan à différents endroits. Alors on sait que l'économie est évidemment importante, hein, notamment pour les zones les plus proches de Teotihuacan, donc les échanges d'obsidienne, les échanges de sel, les échanges de chaux. Mais avant tout, ce système repose sur des échanges idéologiques et des échanges de biens de prestige. Et tout ça sans la roue et sans, avec des porteurs, de exactement, fait. Mais donc c'est pour ça qu'en Mésoamérique, les échanges de biens de prestige sont tellement importants, puisque c'est une ère qui n'a pas connu d'animaux de trait ou de charge. Pourquoi le contrôle d'objets? Il pourrait par exemple être lié à des rituels et contribue à la reproduction de l'ordre social basé sur une symbolique guerrière? Oui, tout à fait. Mais maintenant, on comprend assez bien que on s'affiliait à Teotihuacan pour gagner en prestige, en fait. Hein. Le paradigme, il a changé, en fait, au début, dans les années 50-60. On a beaucoup mis l'accent sur un système qui aurait été théocratique, pacifiste, etc. Bon, maintenant, avec toutes les découvertes qui ont été faites depuis les années 90 et une réévaluation de l'iconographie, on se rend compte que cette aura de Teotihuacan, elle repose aussi beaucoup sur une symbolique guerrière. Donc, par exemple, ce dieu de l'orage qui a des caractéristiques guerrières, le serpent à plumes qui est très guerrier aussi, tout un tas de symboles comme le couteau courbe et d'autres symboles qui sont un peu plus métaphoriques mais qui sont liés au sacrifice. Donc ça, c'est présent à Teotihuacan, mais aussi et surtout dans d'autres aires mésoaméricaines. Il existe donc une compétition entre les élites des différentes cités classiques, notamment Maya. Celles-ci se doivent d'arborer des éléments de Teotihuacan. Prenons quelques exemples. Une coiffe à pompons ou d'autres parures évoquant bien sûr la guerre. Oui, mais tout à fait. Maintenant, on reconnaît assez bien ce qu'on a appelé le costume guerrier Teotihuacan, qu'on a retrouvé sur tout un tas de monuments mayas. Donc, vous avez plusieurs éléments qui constituent ce costume maya. Vous avez la coiffe de plaque qui fait référence a priori à la coiffe du dieu de l'orage qu'on connaît, hein, qui était donc sur ce temple du serpent à plumes. Le collier de coquillage, une genouillère caractéristique, un miroir dorsal d'obsidienne, le sac à sang, la queue de coyote, et donc tous ces éléments-là, soit séparément, soit ensemble, constituent un costume qui est arboré par tout un tas de dignitaires mayas en particulier, mais ce sont aussi des symboles qui vont apparaître dans d'autres zones mésoaméricaines. Et en fait, on voit aussi qu'il y a deux moments d'affiliation avec Teotihuacan. Il y a un moment qui est vraiment réel, un moment entre le 4e et le 5e siècle, et puis un moment où Teotihuacan a vraiment déjà considérablement perdu de son aura, puisqu'il y a une crise assez forte qui va commencer vers 550. Et entre 600 et 900, ces cités mayas, elles continuent de s'affilier à Teotihuacan. Et là, on se dit qu'il y a une aura qui transcende les siècles, en fait. Les biens de prestige circulent, mais le plus important est que le système monde de Teotihuacan, qui couvre, disons-le, plus de 2000 kilomètres, repose surtout sur la mise en place d'une sphère idéologique. C'est ça l'important. Oui, oui, tout à fait. Il y a des hypothèses sur le nom de cette cité. On pense que Teotihuacan s'appelait Pou, le lieu des roseaux. Et le lieu des roseaux en nahuatl, la langue des Aztèques, donc c'est Tolan. Et Tolan, on sait chez les Aztèques que c'est le lieu d'émergence et le lieu d'origine. Par ailleurs, on sait que Teotihuacan, le nom de Teotihuacan, en nahuatl, c'est la cité où naissent les dieux. Donc, on se rend compte en fait qu'en 4 siècles, Teotihuacan, elle va vraiment se ménager une place centrale dans le système et elle va gagner une aura qui va se poursuivre sur des siècles et des siècles, des millénaires, hein, puisque les Aztèques considéraient cette cité comme véritablement centrale dans leur cosmogonie. Teotihuacan s'effondre, c'est le problème même de tout système. La période suivante est celle sur laquelle d'ailleurs vos recherches portent. Hein. Vous voici donc à l'épiclassique entre 600 et 900 de notre ère, devant un nouveau système de cité-état à l'image, on peut le dire, de la Mésopotamie du 4e millénaire. Oui, exactement. Donc c'est le même type, sensiblement le même type d'organisation politique qui va émerger donc autour de 600. On a tout un tas de petites cités qui vont donc émerger autour de Teotihuacan, et notamment Cacatla Xochitecatl et Xochicalco, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Xochicalco, on la connaît notamment par sa pyramide du serpent à plumes. Il n'y a pas que les biens qui circulent dans ce monde des élites, les idées aussi. En 1975, des peintures murales sont découvertes fortuitement. La communauté archéologique s'en émeut d'ailleurs. Pourquoi ? Oui, alors ce sont les peintures murales de Cacatla qui sont découvertes donc en 75. C'est des peintures véritablement extraordinaires. Elles sont extraordinaires dans le contexte du haut plateau central parce que elles ont donc les couleurs sont très très bien préservées et elles ont un style absolument inédit qui est un style hybride qui mêle un style maya et un style Teotihuacan. Donc il y a plusieurs ensembles picturaux. Et l'iconographie, les images, sont-elles un bon moyen d'approche pour percevoir en général ces univers de Mésoamérique ? Oui, les images, comme vous l'avez dit au tout début, hein, les images, ce sont vraiment des fenêtres vers les idéologies de ces sociétés, hein, sur leurs pratiques sociales, politiques, rituelles. Les styles, ce sont aussi des moyens d'expression de ces sociétés, voire des moyens performatifs, hein, vraiment qui produisent des sensations, des émotions sur le spectateur. Donc c'est vraiment un très bon moyen, à mon avis, pour approcher ces sociétés. Alors nous voici, bien sûr, au cœur de votre recherche. Ces peintures hybrides constituent une vraie rupture. Comment se présentaient-elles ? Quelles sont leurs caractéristiques, leurs thèmes ? Alors, donc, ces peintures de Cacatla, ce sont des peintures hybrides, comme vous l'avez dit. Donc, elles combinent plusieurs choses. Certains fonds rouges, qui sont très caractéristiques des peintures de Teotihuacan. Une glyphique aussi caractéristique de Teotihuacan. Donc, des noms de personnes, des titres, des dates calendériques. Et aussi des caractéristiques en même temps très naturalistes, donc des proportions naturalistes, des expressions du visage qu'on ne connaît pas à Teotihuacan. On a 5 ensembles et donc on a différentes thématiques sur ces peintures. Comment expliquer cette nouveauté pour vous, ce nouveau style, par la circulation des idées d'un emprunt ? Alors bon, il y a évidemment beaucoup d'hypothèses qui ont été formulées autour de ces peintures. Hein. Est-ce qu'il s'agissait d'artisans mayas, d'une conquête, des enclaves ? En réalité, il s'agit d'adoption, d'adaptation, probablement par des artisans locaux, dont certains ont pu être formés à l'étranger, mais dont une seule poignée était vraiment maya. Et en fait, ce que font ces artisans, c'est vraiment de créer un art hybride qui va permettre des affiliations avec ces sociétés lointaines. Alors revenons donc à nos élites. Tout ce système, toutes ces iconographies, c'est peut-être pour construire un nouveau discours qui permet d'asseoir son autorité ? Oui, c'est du moins l'hypothèse que je formule, qui reprend aussi des travaux antérieurs, évidemment. Hein. Mais donc, c'est que à travers la création d'un art hybride, on s'affilie à des sociétés lointaines et jugées prestigieuses. Et cette affiliation, elle va justifier les élites dans leur pouvoir local. Elle va aussi Et ça, c'est très important, créer un discours alternatif par rapport à l'ordre antérieur qui est incarné par Teotihuacan. Là, il y a une vraie démarcation par rapport au modèle Teotihuacan, par rapport aux normes, par rapport aux canons. Donc on réinvente quelque chose. Voilà, en s'appuyant sur le passé, on réinvente quelque chose aussi. Exactement. Exactement. Et donc, ces modèles plus naturalistes, plus expressionnistes, ils sont aussi un moyen pour performer autrement, c'est-à-dire créer plus d'émotions. Et c'est finalement, ce sont aussi différentes façons pour interagir avec le reste de la société. Durant cette époque, le souverain des cités-États acquiert aussi du prestige, peu visible par exemple à Teotihuacan. Le souverain devient omniprésent et au centre de la société à ce moment-là. Tout à fait. Alors, contrairement à Teotihuacan, où en fait on ne sait pas trop ce qu'il en était de son système politique, bien que maintenant les dernières hypothèses proposées sont que il y avait plusieurs souverains à Teotihuacan, 4 ou 5, hein, qu'il y avait un grand rôle des intermédiaires. À l'épiclassique, dans ces cités, on se rend compte que le souverain, il est représenté en sculpture, il est représenté en peinture, il est représenté par les figurines. Il est vraiment au centre des zones civico-cérémonielles où avant, il était quasiment absent. Son image n'apparaissait pas. Et après, on a d'autres types d'objets comme les stèles autels qui apparaissent aussi à cette période sur le haut plateau central, alors qu'avant c'était vraiment des monuments qui n'apparaissaient qu'en zone maya, qui ont une histoire, hein, qui sont connus depuis les Olmèques. Mais là, ce sont des monuments qui vont vraiment s'installer au centre des zones civico-cérémonielles. Dans ce monde de classe, qu'en est-il des femmes ? Appartenaient-elles au sommet du pouvoir ? Ah ben, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à cette période-là. Clairement, il y a un changement de paradigme, puisque les femmes, hein, qui n'étaient pas absentes du registre iconographique avant, hein, là, elles apparaissent dans des sphères où elles n'apparaissaient pas avant. Elles sont plus seulement dans des thématiques de procréation, cycle de la vie, etc. Mais maintenant, on voit apparaître des femmes en trône, des femmes guerrières, des femmes prêtresses, notamment des sculptures en ronde bosse, des figurines. On sait par ailleurs, on connaît certaines de leurs tombes dans la zone maya et en Occident, par exemple des tombes qui sont très très prestigieuses, hein. Par exemple la Reine Rouge de Palenque ou la femme qui est connue à Ticambato dans l'Occident. Donc on sait que les femmes avaient un rôle très très important à cette période-là et c'est quelque chose qui est de plus en plus reconnu. En conclusion, Juliette Testard, probablement, dès que les sociétés deviennent inégalitaires, une classe d'individus s'accapare un pouvoir, mais surtout le prestige, outil capital de légitimation, comme de l'affirmation de la différenciation du champ social. En cela, nous n'avons rien inventé et sommes toujours dans ce paysage ? Oui, tout à fait. Je crois que on retrouve ces phénomènes dans nos sociétés contemporaines, hein, où finalement on suit, on réplique, on imite, on va adopter les modes, les pratiques d'autres sociétés qui paraissent plus prestigieuses. Alors, par exemple, évidemment, la mode française, les voitures nord-américaines, les voitures allemandes. Et là, en faisant ça, on va construire du prestige qui va permettre de légitimer. Et on va aussi performer le pouvoir vis-à-vis du reste de la communauté avec tout un tas d'objets qu'on porte sur soi, qu'on manipule, avec la peinture murale, l'architecture, etc. Donc finalement, grâce à l'archéologie et aux images, on a accès à des pans très très immatériels de nos sociétés passées, comme les discours, les rhétoriques sur l'altérité, le rapport à soi et aux autres. Juliette Testard, merci. En conclusion, je dirais, j'ai plus de 50 ans, j'ai réussi ma vie, bien sûr, c'est ça, hein. En tout cas, Carbon 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Fabien Capel, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.